je te pense, fermons nos yeux sur cette vie, vie de mon corps. Quand tu me penses, mon cœur s'est fermé sur ta folie. T'as trop cogné ton poing sur la table, j'ai trop cogné ma tête sur ton silence. Tu es deux, je n'en voulais qu'un seul. T'as préféré te cacher derrière lui. Cet ami Jack a rougi ta pomme. Bois son corps, oublie qui je suis. T'as trop cogné ton poing sur la table, j'ai trop cogné ma tête sur ton silence. De mes heures, vie de mon corps à chaque verre, frêle mon corps quand tu te traînes, mon cœur se ferme et je te peine. T'as trop cogné ton poing sur la table, j'ai trop cogné ma tête sur ton silence. Ton visage.